Chapitre 34, page 233, exercice 3. 1. Oh là là, je suis fatigué. J'oublie tout en ce moment. 2. Ce policier a une mémoire exceptionnelle. Il se souvient de tout. 3. L'emploi de cette plante pour se soigner est extrêmement ancien. 4. Cet historien connaît parfaitement toutes les dates historiques importantes. 5. Aurélien a tout pardonné à sa sœur. Il veut penser à autre chose. 6. Tout le monde a oublié ce fâcheux événement, et les autorités n'ont rien fait pour qu'on s'en souvienne.